Alors bon, ça recommence. Quand je dis au secours, mais tu vas me faire mourir. Voilà ma chanson, thank you. Sobre il rio.

Thank you. Oh, Mm-hmm.